Psaume 109. Psaume de David, donné au maître chantre. Ô Dieu de ma louange, ne te tais point. Car la bouche du méchant, et la bouche remplie de fraude, se sont ouvertes contre moi, et m'ont parlé, en usant d'une langue trompeuse. Et des paroles pleines de haine m'ont environné, et ils me font la guerre sans cause. Au lieu que je les aimais, ils ont été mes ennemis, mais moi, je n'ai fait que prier en leur faveur. Et ils m'ont rendu le mal pour le bien, et la haine pour l'amour que je leur portais. Établis le méchant sur lui, et fais que l'adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, fais qu'il soit déclaré méchant, et que sa prière soit regardée comme un crime. Que sa vie soit courte, et qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants soient orphelins, et sa femme veuve. Et que ses enfants soient entièrement vagabonds, et qu'ils mendient et quittent en sortant de leur maison détruite. Que le créancier, usant d'exaction, attrape tout ce qui est à lui, et que les étrangers butinent tout son travail. Qu'il n'y ait personne qui étende sa compassion sur lui, et qu'il n'y ait personne qui ait pitié de ses orphelins. Que sa postérité soit exposée à être retranchée, que leur nom soit effacé dans la race qui le suivra. Que l'iniquité de ses pères revienne en mémoire à l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'ils soient continuellement devant l'Éternel, et qu'ils retranchent leur mémoire de la terre. Parce qu'il ne s'est point souvenu des heures de miséricorde, mais il a persécuté l'homme affligé et misérable, dont le cœur est brisé, et cela pour le faire mourir. Puisqu'il a aimé la malédiction, que la malédiction tombe sur lui, et parce qu'il n'a point pris plaisir à la bénédiction, que la bénédiction aussi s'éloigne de lui. Et qu'il soit revêtu de malédiction comme de sa robe, et qu'elle entre dans son corps comme de l'eau, et dans ses os comme de l'huile. Qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, et comme une ceinture dont il se saigne continuellement. Telle soit, de la part de l'Éternel, la récompense de mes adversaires, et de ceux qui parlent mal de moi. Mais toi, Éternel Seigneur, agis avec moi pour l'amour de ton nom, et parce que ta miséricorde est tendre, délivre-moi. Car je suis affligé et misérable, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre quand elle décline, et je suis chassé comme une sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et ma chair s'est amaigrie, au lieu qu'elle était en bon point. Encore leur suis-je en opprobre, quand ils me voient, ils branlent la tête. Éternel, mon Dieu, aide-moi, et délivre-moi selon ta miséricorde, afin qu'on connaisse que c'est ici ta main, et que toi, ô Éternel, tu as fait ceci. Ils maudiront, mais tu béniras, ils s'élèveront, mais ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de confusion, et couverts de leur honte comme d'un manteau. Je célébrerai hautement de ma bouche l'Éternel, et je le louerai au milieu de plusieurs nations. De ce qu'il se tient à la droite du misérable, pour le délivrer de ceux qui condamnent son âme.